notre dernier temps de cette histoire de la justice dans la fabrique de l'histoire, nous allons nous interroger dans le documentaire sur la place des sciences sociales dans les tribunaux. Nous avons cheminé depuis lundi de la justice médiévale à l'épuration, c'était mardi, et à la demande de justice qui pouvait venir d'en bas, c'était hier. Nous allons ce matin partir à la fois à La Haye et pour le Congo en revenant sur le tribunal pénal international qui s'est instauré pour juger les crimes qui se sont déroulés au Congo dans la région de l'Ituri. Dans ce documentaire, Marion Dupont et Renaud Dalmar ont choisi de s'interroger sur la façon dont le tribunal pénal international a pu demander à des universitaires en sciences sociales de l'aider à comprendre ce qui s'est passé au Congo en 2003. Mais un artiste nous permet aussi de saisir comment est mise en scène ce type de justice internationale. À La Haye, c'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, aujourd'hui. C'est vous, monsieur Katanga. Vous aviez l'autorité. Monsieur le procureur, pourquoi vous voulez seulement dire moi? Pourquoi vous ne dites pas Kakado? Pourquoi vous ne dites pas Kasaki? Là, moi aussi je suis perdu parce que je ne sais pas si qu'est-ce que vous voulez dire. Des initiatives, l'administration, quoi que ce soit. J'étais combattant. Quand la guerre arrive, je me bats pour protéger ma population. Le problème de dire, oh moi, Germain Katanga, j'étais chef, je pouvais appeler les gens, je pouvais administrer. Je n'avais pas cette capacité. De La Haye à Bogoro, quand l'art et les sciences sociales travaillent la justice internationale, Marion Dupont, Renaud Dalmar. Monsieur Katanga, n'est-il pas exact que Kasaki et Kakado n'étaient pas des militaires? Monsieur le procureur, ils n'étaient pas des militaires, mais ils étaient tout puissants. Tout puissants. Même quand vous mettez le canon sur la poitrine de Kakado, il vous demande de tirer. Président, c'est un phénomène. Quand on vous raconte ça ici, vous croyez que c'est une histoire que les gens ont inventée. Ces gens-là, ils étaient des tout-puissants. Je ne pouvais pas passer au-dessus de Kasaki, passer au-dessus de Kakado, non. Comment voulez-vous juger de manière objective, de manière intelligente et de manière sensée si vous n'essayez pas de vous pénétrer un tout petit peu de tout ce contexte qui est à des années-lumière de celui dans lequel vous avez travaillé jusqu'à cette date? Comment voulez-vous juger objectivement et déterminer une chaîne de responsabilité si par hasard l'un des accusés vient vous dire qu'il obéira d'abord au féticheur plutôt qu'à la personne qui, dans une chaîne de commandement militaire, est située au-dessus de lui? Après une longue carrière de magistrat français, voilà que le juge Bruno Cotte, fraîchement arrivé à la Cour pénale internationale, doit tout repenser. Il s'est vu confier l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo-Chui, dont le procès s'est ouvert le 24 novembre 2009 à la Cour pénale internationale, à La Haye. Les crimes dont Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo-Chui sont accusés auraient été commis le 24 février 2003, lors de l'attaque de Bogoro, un village de la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Parmi les chefs d'accusation, on compte des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Assassinats, traitements inhumains, utilisation d'enfants soldats, esclavage sexuel, attaque intentionnelle de civils et pillage. C'est le deuxième procès de cette toute jeune juridiction pénale universelle et permanente, instaurée par la ratification du traité de Rome le 1er juillet 2002 et dont 124 pays sont désormais états parties. Une petite cour dont le budget ne dépasse pas celui de la Sorbonne, mais qui porte de grands espoirs. Un nouveau décor donc, et un nouveau défi pour le juge Cotte. Car comment juger de près ce qui s'est passé si loin? Pour être à la hauteur des enjeux que la cour s'est donnés, le juge a choisi d'inviter à La Haye deux chercheurs en sciences sociales qui l'aideront à explorer les documents issus des audiences et à informer son jugement. un sociologue et une anthropologue ont ainsi réalisé une plongée au long cours dans cet univers encore plastique et malléable, véritable cours des miracles où le droit international se bricole chaque jour. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs se mêlent de justice internationale. Bien au contraire, depuis Nuremberg et jusqu'au tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, en passant par les procès Barbie, Touvier ou Papon, les sciences sociales ont eu leur rôle à jouer à la barre. Mais c'est bien la première fois que des chercheurs prennent place dans la chambre des juges, quitte à s'exposer aux critiques qui pleuvent sur cette institution encore fragile et qui, 16 ans après, doit encore faire ses preuves. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Notre audience est donc ouverte. Veuillez vous asseoir. Il y a deux aspects dans une institution. Il y a la partie, publique ou médiatisée. Je constate que la messagerie fonctionne, alors qu'elle ne fonctionnait pas il y a un instant. Et puis il y a la salle des machines. En fait, c'est un petit peu comme dans un musée. Vous avez les salles d'exposition et vous avez les réserves et les ateliers techniques. Artiste et poète, Franck Lebovici s'est longuement penché sur les matériaux et les documents issus du procès Katanga. Lors d'une visite à La Haye, son œil exercé a débusqué les particularités de la salle d'audience et comment son organisation influe sur le déroulement du procès. Bénéficier d'un certain nombre de mesures de protection. La première chose qui m'a frappé, mais ça j'y avais eu accès, disons, par les descriptions de Julien et par les accès Internet, puisque la Cour communique beaucoup par Internet. C'est le dispositif qu'on va appeler sociotechnique de la salle d'audience. Et ça, je dirais que j'y ai été sensible par les outils que j'ai pu développer en poésie ou en art visuel. C'est-à-dire que, pour vous le décrire brièvement, pour que le procès soit international, il faut que les gens puissent parler plusieurs langues. Et là, en l'occurrence, dans ce procès, les gens parlaient Lingala, Swahili, du côté des témoins, et français et anglais, qui sont les deux langues officielles. Ce qui veut dire que pour que les gens puissent parler leur langue, il faut qu'il y ait des interprètes. Et donc, vous avez des cabines d'interprétariat permettent d'aller du Lingala au Swahili, du Swahili au français, du français à l'anglais, et puis de retourner de l'anglais au français, du français au Swahili, du Swahili au Lingala. Ce qui veut dire déjà que les gens ont tous des casques dans lesquels l'interprétariat se fait en temps réel. Mais que, outre qu'il peut y avoir des problèmes d'interprétation, ça implique aussi, je dirais, une diction ou une rhétorique très particulière. Ça théâtralise énormément la parole. Pourquoi ? Vous protégez Mboussa, pourquoi ? Vous protégez Kabila, pourquoi ? C'est Kabila qui m'a nommé. C'est mon président, je le respecte. Mais, monsieur le procureur, fallait que vous lui interrogez pourquoi il a envoyé des armes, des munitions de Kinshasa à Beni et de Beni à Aveba, envoyer les hommes. Pour en revenir au fait stricto sensu, une journée, une localité, une série de faits qui opposaient une ethnie Emma composée d'éleveurs à une ethnie Lendu composée de cultivateurs. Bruno Cotte. C'est donc à un moment X, à Bogoro, mais c'était préparé par des combats ayant eu lieu avant et ce fut suivi par des combats ayant eu lieu après, par toute une série de combats de même nature. C'est donc une confrontation extrêmement brutal, étant précisé que les éleveurs Emma, depuis déjà de nombreuses années, occupaient dans cette province de l'Iturie des positions clés. Leur statut social, leur rôle social et leur rôle politique étaient infiniment supérieurs à celui des Lendu. Il y a aussi un aspect revendication des intérêts de la jeunesse, par exemple. Elisabeth Clavry est anthropologue, africaniste de formation. C'est dans les rangs des observateurs qu'elle est remarquée par le juge Cotte et son équipe, avec qui elle entame une discussion qui se poursuivra tout au long du procès. Ces sociétés sont très souvent, dans les milieux ruraux, des sociétés à aînés. Les plus jeunes obéissent aux plus anciens. Mais que, si vous avez une Kalachnikov, vous pouvez prendre le poulet de l'assiette d'un monsieur très vieux. Et tout à coup, l'ordre des choses bouge. Il y a des revendications d'ordre économique, c'est-à-dire que entourer des villages et sécuriser des villages de mines d'or par vos groupes armés, c'est pas des intérêts ethniques au sens foncier et traditionnel du mot, mais simplement, vous allez dire à votre ethnie dont vous êtes un des chefs que vous allez les mobiliser pour avoir des gains dans une société où les jeunes n'ont aucun travail, par exemple, ou rentrer dans le combattantisme, c'est rentrer dans l'accès à des ressources, puisque ces conflits sont beaucoup des conflits de pillage. Et l'attaque contre Bougourou se situe un peu à différentes échelles. C'est après avoir soutenu sa thèse que le sociologue Julien Serroussi est recruté par l'équipe de Juge Cotte, peu avant l'ouverture du procès. D'un côté, c'est au cœur de renversements internationaux importants, dans lequel l'Ouganda décide d'abandonner l'auxiliaire local en Ituri, qui était l'UPC, qui se trouve du coup fragilisé, et subit une attaque des milices du FRPI et du FNI, qui sont les auxiliaires locaux du gouvernement du Congo. Donc ça, c'est l'aspect un peu international du conflit. Mais il y a un aspect aussi plus local, puisque ces auxiliaires locaux se sont formés sur des bases ethniques. L'UPC, donc l'auxiliaire de l'Ouganda, était une milice majoritairement Emma, alors que le FNI et le FRPI étaient un groupe majoritairement Lendu. C'était des groupes qui avaient des conflits territoriaux et économiques. Et dans la mesure où la guerre a apporté un certain nombre d'armes, ces conflits locaux sont devenus des conflits sanglants, meurtriers, et ont atteint un pic de violence inouï. Germain Katanga lui-même a pris possession. Germain Katanga et Ngudjolo Oyé, pouvez-vous nous confirmer que vous avez entendu de vos propres oreilles ces femmes et ces enfants crier les mots que je viens de dire? Oui, j'ai compris votre question. Cela s'est passé de la manière suivante. Lorsque les miliciens ont tué la femme de Laurent, c'est en ce moment-là que j'ai bien entendu ce qu'ils disaient. Il y avait les Lendu, il y avait les Ngiti. Ils se sont retrouvés à l'endroit où a été assassinée la femme. Les Lendu et les Ngiti disaient ceci. Où se trouve l'argent que vous avez confisqué à cette femme? Nous devons tous partager cet argent. Les Ngiti ont dit, pourquoi je ne donnerai pas? Les juges ont été contraints de demander à beaucoup de témoins de dessiner en fait leur parcours. Franck Lebovici. Et là, on a des cartographies subjectives où évidemment chaque témoin dessine un parcours qui n'a rien à voir avec celui des autres témoins. Les noms changent d'un témoin à l'autre. Donc, quand on rassemble tous ces dessins, on n'a pas une carte cohérente de la région. Donc, la première difficulté qu'ont les juges, c'est de se repérer. Un autre exemple, toutes les semaines, les milices se divisent en deux. Alors vous avez telle milice qui se scinde en milice A et B, mais qui garde le nom original. C'est-à-dire que c'est par exemple le RCD qui devient le RCD slash K ou le RCD slash G. Et puis le RCD slash G, pour Goma disons, se scinde elle-même en deux, en RCD slash G ceci et RCD slash G cela. Ce qui fait qu'en quelques semaines, vous n'avez non pas une, mais 10 ou 15 milices qui par sissiparité se sont divisées. Et là, c'est extrêmement difficile parce que habituellement, on explique une situation par son contexte, mais là, le contexte change plus vite que la situation elle-même. Sur la route, il n'y avait pas moyen de reconnaître que ça, c'est un civil. On tirait tout simplement sur la personne. Est-ce que épargner la vie d'un Emma à Bogoro était un acte de désobéissance? Comment on peut dire? Si vous êtes seul, vous pouvez épargner la vie de la personne. Mais si vous êtes avec des amis, et si vous laissez cette personne, même un ami qui est juste à côté de vous, va tirer aussi sur vous. Vous êtes un juge français, Bruno Cotte, qui, en ce qui me concerne, n'a jamais quitté la France et qui se retrouve brutalement plongé dans l'univers très spécifique d'une juridiction pénale internationale où une centaine de nationalités sont représentées, s'agissant de tout le personnel qui est au greffe ou dans les différents services de la Cour. Vous rencontrez 17 autres magistrats qui viennent de 17 pays différents, qui ont des cultures différentes de la vôtre, qui ont des cultures juridiques différentes de la vôtre, qui ont des manières de travailler différentes de la vôtre, vous vous en rendez compte assez rapidement, et qui ont également des rythmes de travail différents du vôtre. En France, lorsqu'est jugée en cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel une affaire d'une certaine importance, le président prépare son audience avec le dossier élaboré par le juge d'instruction, construit par le juge d'instruction. Là, il n'y a rien de tel. En réalité, le dossier s'édifie progressivement au fil de l'audience. Alors, je pouvais éventuellement me couler dans ce système, qui est le système de common law, qui consiste à arriver vierge à l'audience et à découvrir, un témoin après l'autre, ce qu'est exactement le dossier, le contexte dans lequel se sont déroulés les faits, la manière dont chacun conçoit le rôle des uns et des autres. Pour un juge français, en tout cas pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Je ne me voyais pas du tout présider une audience, animer les débats, essayer de parvenir, dans la mesure du possible, à la découverte de la vérité, sans connaître préalablement, ou sans du moins tenter de connaître, les faits et le contexte dans lequel ils s'étaient déroulés. Ce qui, au fil de discussions avec mes assistants et les personnes qui travaillaient avec moi, nous a conduit à tenter quelque chose qui n'était absolument pas prévu par les textes, faire appel à un spécialiste des sciences sociales qui puisse, avec les méthodes de travail des sciences sociales, qui ne sont pas celles d'un juriste tel que je le suis, bâtir le décor dans lequel se déroulaient les faits que nous allions connaître. Il n'y a pas, dans la Cour pénale internationale, de poste de sociologue prévu dans les chambres. Julien Serroussi. Il n'y a que des juristes dans les chambres. Or, quand même, les juristes, en particulier des chambres, doivent examiner des faits qui se sont déroulés dans des pays très lointains, dans des cultures différentes, et écouter des témoins qui parlent une langue qu'ils ne connaissent pas. Les juristes des chambres sont ceux qui ont le moins accès au terrain. L'enquête suit une procédure de common law. Donc ce sont les avocats de la défense et le procureur qui recueillent les preuves sur le terrain. Et les juges, eux, qui doivent rendre la décision finale, ne vont jamais sur le terrain. À partir de là, le sociologue, à mon avis, peut faire une liaison utile pour aider les juges à s'emparer des faits. Parce que, en l'occurrence, l'affaire portée sur un conflit qui se déroule à l'est du Congo, en Ituri, qui opposait plusieurs milices. Et donc, on pourrait penser naturellement que le premier besoin des chambres, c'est d'avoir un spécialiste du Congo qui peut leur expliquer la situation. Alors ça, c'était impossible parce que, précisément, recruter un spécialiste du Congo pouvait être perçu par les parties, en tout cas, comme une manière pour les juges de recevoir des éléments de preuve en dehors du cadre de l'audience. Parce que dans la Cour pénale internationale, toute l'instruction se fait à l'audience, les preuves sont amenées au fur et à mesure, de manière publique, dans les audiences, par les parties. Et donc, il était inconcevable que le juge puisse recruter quelqu'un qui puisse lui souffler des éléments de preuve, fût-il contextuel, dans le dos des parties. Donc il cherchait des compétences générales. Connaître la littérature publique sur le sujet, accessible à tous, de aider à l'évaluation de la crédibilité des témoins, mais ça peut aussi porter sur, par exemple, des stratégies de défense. Par exemple, les témoins peuvent évoquer des éléments culturalistes pour expliquer qu'aucun viol n'a pu être commis par leur armée parce que le viol est quelque chose de tabou. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut apprendre à déconstruire pour qu'on puisse disposer, depuis La Haye, donc aux Pays-Bas, des capacités de discernement que possède un juge domestique, un juge local. Il y a une espèce de culture de guerre qui fait que Elisabeth Clavry. Les gens ont le nom sous lequel vous ne serez pas immédiatement tué, ou sous lequel vous pourrez louer une mobilette, ou sous lequel, etc. Et ça, évidemment, cette flexibilité des défenses de guerre, de l'adaptation, de la façon de se présenter, fait partie des jeux de débrouille de la guerre, et était très compliqué à recevoir pour ce tribunal, bien sûr. Non pas qu'ils ne les comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas sociologiquement, mais au-delà de tout doute raisonnable, dit-on dans ce droit-là, ces preuves sont très exigeantes, et pour y satisfaire, il faut des types de récits bien particuliers qui ne pouvaient pas être donnés là. Et donc ça a posé un certain nombre de problèmes, et j'ai pu essayer de donner quelques indications. J'avais été surpris de l'insistance que faisait le procureur sur les aspects hiérarchiques et militaires des milices, qui étaient parfois en décalage par rapport aux dépositions des témoins qu'il avait lui-même apportées, qui eux insistaient sur d'autres chaînes de commandement. Et en écoutant les témoins, simplement, hein, on pouvait voir que l'obéissance était due particulièrement à la présence des féticheurs qui, eux, donnaient un certain nombre de consignes aux soldats, puisque c'est eux qui décidaient, d'après les témoins, hein, des dates de bataille, c'est eux qui décidaient de qui allait à la guerre, c'est eux qui décidaient de comment se comporter dans les batailles, puisqu'en fonction des fétiches qu'on donnait, il y a des règles qui sont assorties. Page 59 du transcript. Vous nous avez déclaré ceci. Nous, les petits, on ne pouvait pas penser. Les avocats et procureurs, Franck Lebovici, ont besoin de pouvoir réinterroger les témoins sur ce qu'ils ont dit antérieurement. Mais afin d'éviter le maximum de controverses en citant de mémoire des paroles de témoins, ils citent depuis des transcripts. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans la salle d'audience est transcrit par l'intermédiaire de sténotypistes en temps réel. Et ces transcripts s'affichent en temps réel sur les écrans des juges, des avocats et de l'équipe du procureur. Ce qui permet aux avocats, par exemple, lorsqu'ils interrogent un témoin, de dire non pas « il y a 5 minutes, vous avez dit ceci, cela », ce qui pourrait provoquer tout de suite une controverse. On dira « ben non, mais il n'a pas dit ça exactement ». Mais on dit, il y a 5 minutes, page 32, ligne 24, vous avez dit, je cite, et on lit la ligne. Ce qui là implique aussi des cabines de sténotypistes qui tapent en temps réel les paroles, avec une deuxième équipe qui corrige les coquilles, qui éventuellement reformule quand des mots sont mal notés. Et ces transcripts sont encore une troisième fois corrigés le soir, afin d'être archivés. Donc là, vous avez une deuxième chaîne de production documentale. Facilité de droit. Oui, nous avions une certaine facilité. Si moi, par exemple, on m'envoie par mes chefs pour aller chercher quelqu'un dans les camps, si vous m'approchez, je tire par terre. Et si vous continuez encore à vous approcher de moi, alors je vous tire sur le corps. C'est vrai que le juge Cotte, quand il m'a recruté, il a insisté sur ce point-là, c'est qu'il voulait que j'assiste à toutes les audiences pour être la mémoire des faits. Julien Serroussi. Être une mémoire supplémentaire à celle des juges, dans lesquelles les juges peuvent puiser et poser des questions. Avoir un assistant qui puisse se concentrer intégralement sur les faits, sachant que les juges eux-mêmes, pendant le débat, sont eux-mêmes toujours sollicités par des questions de procédure, doivent rendre des jugements sur une question, sur la formulation d'une question, donc ils ne peuvent pas se concentrer sur tout. Les assistants juridiques se concentrent sur les questions procédurales, les juges, leur temps est divisé entre les questions procédurales et l'écoute des témoins, et moi, c'est vrai que j'étais là et je pouvais consacrer toute mon attention à décortiquer ce que disaient les témoins, à prendre des notes, à relire les auditions et à alimenter les juges en questions qui leur permettent d'y consacrer l'attention nécessaire au fait de l'affaire et pas simplement aux questions de procédure. Depuis novembre 1945, avec une conscience que l'histoire retiendra, les procureurs ont étalé dans leurs moindres détails l'esprit même des crimes prémédités. 1946, Pierre Crénès au tribunal de Nuremberg. Si l'opinion publique s'est désintéressée du procès de Nuremberg, elle a eu tort. Elle recherchait dans le jugement des criminels nazis une vengeance. Or, ce n'est pas sur la vengeance que le droit, la morale, le monde ont été bâtis. Il faut, en ces jours, trouver en soi suffisamment de force pour s'élever au-dessus des sentiments personnels, des peines et des souffrances. L'effort que la conscience impose constamment aux hommes de bonne volonté transformera l'horreur des massacres et des fours crématoires en une dignité constructive. Suspendu le 31 août, les séances reprennent aujourd'hui pour 2 jours, au cours desquels seront lus le jugement et les sentences. The government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Il y a une grande différence entre les tribunaux internationaux qui ont réglé le conflit de la Deuxième Guerre mondiale et la Cour pénale internationale aujourd'hui. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les juges, ils savaient ce que c'était qu'un nazi. Ils avaient tous vécu la Deuxième Guerre mondiale à des degrés divers. Ils savaient de quoi ils parlaient. même s'ils ont fait des découvertes importantes et qu'on sait qu'au tribunal de Nuremberg, l'excavation du génocide des Juifs a été un processus très lent et très compliqué et n'a pas peut-être reçu l'écho nécessaire dans les débats. Mais ils savaient de quoi ils parlaient. Là, dans un contexte très différent, où les juges vivent en temps de paix, là, en réalité, les juges ne sont pas partis au conflit, donc ils sont ni vainqueurs ni vaincus, donc effectivement, c'est une garantie d'impartialité, mais cette impartialité s'accompagne aussi d'une méconnaissance. La parole est donnée à M. Donnedieu de Vabre, juge français, qui parle de l'agression contre l'Autriche. Le 21 mai 1935, Hitler annonça au Reichstag que l'Allemagne ne se proposait pas d'attaquer l'Autriche ou même de s'immiscer dans sa politique intérieure. Le 1er mai 1936. Alors, une des caractéristiques des jugements de crimes de masse, c'est qu'ils posent des problèmes empiriques et théoriques qui dépassent souvent les ressources de la police judiciaire classique. Il faut reconstituer des hiérarchies de pouvoir, des organisations criminelles qui sont aussi des organisations militaires, policières, politiques. Isabelle Delplat, philosophe et anthropologue, est spécialiste de l'éthique, du droit et de la justice internationale. Et pour ce travail-là, les différents procès, procès pour crimes de masse ont eu de manière croissante tendance à faire appel à des spécialistes de sciences sociales. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu ou peu d'historiens à Nuremberg. Un historien a fait une intervention pour ouvrir le procès Eichmann et donner un grand historique de l'extermination des Juifs, mais qui restait relativement externe à la figure d'Eichmann. En revanche, des historiens ont participé de manière active au procès d'après-guerre des criminels nazis en Allemagne. Par exemple, Christian Gerlacht, qui est devenu un des grands historiens, avait travaillé dans les équipes du procureur pour ces procès. Au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, on a un rôle croissant des sciences sociales, qui là vise à suppléer non pas simplement à la distance temporelle, mais à la distance géographique. Ces chercheurs en sciences sociales sont intervenus à différentes étapes. Premièrement, certains travaillaient directement pour le bureau du procureur, en tant qu'analyste militaire, en tant qu'analyste de données ayant des formations de sciences politiques, en tant que démographe ou en tant qu'historien ou sociologue. Simplement, la nouveauté relative par rapport au procès antérieur, c'est qu'on a davantage fait appel à des anthropologues comme Tony Biringa ou à des sociologues comme John Alcock, qui travaillaient sur la Yougoslavie depuis les années 70 ou 80, comme ça avait été le cas de André Guichawa, sociologue au Rwanda, qui était à Kigali au moment du déclenchement du génocide et qui est devenu un des membres du bureau du procureur. Les plus visibles de ces sociologues ont témoigné en tant que témoins experts au procès. Ces chercheurs en sciences sociales avaient présenté leur théorie à la cour et pouvaient être contre-interrogés par l'avocat de la défense. Le statut du témoignage de l'historien à la barre est problématique parce que l'historien, évidemment, n'est pas un témoin des faits. Julien Serroussi. L'historien n'a jamais vu les faits en question, mais a lu des choses dessus, tout ce qu'il dit est un oui-dire. Au sens juridique du terme, c'est un oui-dire. Ou c'est de la spéculation. Donc très vite, ça peut se retrouver dévalorisé. Du coup, tout ton travail savant est traité, dans le cadre de l'audience, comme une opinion débattable. Donc, ça pose tout un certain nombre de problèmes de traiter le régime savant sur le régime de l'opinion, une opinion qui peut être discutée et critiquée, mais pas selon les standards de la discussion universitaire, mais selon les standards de la discussion juridique, qui sont des standards de décrédibilisation des témoins. Donc on va parler évidemment du CV, de tout comportement inapproprié va essayer d'être mis en exergue pour montrer la malhonnêteté de la personne qui a mis les faits. Donc du fait de cette difficulté, Une autre tentative a été faite un peu pour intégrer les sciences sociales dans la justice, justement de recruter un sociologue dans l'équipe, un peu comme je l'ai fait. Donc c'est aussi dans cette, c'est pour moi j'étais motivé aussi à faire ça, c'est parce que j'avais l'impression de contribuer un peu différemment en intégrant l'équipe du juge Cotte à cette histoire des sciences sociales dans la justice, en tentant une nouvelle expérience, quelque chose qui avait jamais été tenté, pas un témoin expert qui va répondre à un certain nombre de questions, mais à quelqu'un qui va avoir accès au dossier et travailler à l'intérieur de l'équipe, à informer le jugement de questions de sciences sociales utiles à la détermination de la justice. Dans le procès Katanga, moi je trouve ça bien qu'il ait été fait appel à des gens avec des expertises spécifiques, notamment en matière sociale. Mais personnellement, j'aurais vraiment apprécié de voir leur rapport, parce que ça aurait certainement pu m'éclairer. Sophie Ménégon est avocate. Elle a rejoint l'équipe de défense de Germain Katanga, dans laquelle elle a officié en tant qu'assistante juridique. C'est difficile d'accepter un rapport qu'on ne peut pas questionner, ou sur lequel on ne peut pas interroger son auteur. En tout cas, devant la CPI, c'est le principe, le débat est, j'allais dire, contradictoire. Tout est moins, vraiment sauf exception, doit pouvoir être contre-interrogé par la défense ou témoin du procureur ou même des victimes. Donc quand on parle d'une analyse qui va avoir un impact éventuel sur la compréhension du contexte géopolitique, peut-être du rôle de notre client dans un groupe politico-militaire, oui, je considère que c'est normal qu'on puisse contre-interroger cet expert et mettre en cause éventuellement ses dires. Alors après, je peux comprendre que ça les mette en difficulté, mais c'est vrai que pour apporter du crédit, une valeur, un poids juridique à leur rapport qui puisse être in fine admis comme preuve, en fait, il faut qu'on ait pu les contester ou les approuver d'ailleurs. Cette information est susceptible d'influencer le juge, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la questionner et en débattre ? La nouveauté du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, TPY, Isabelle Delplat, c'est que la défense a presque systématiquement produit des sciences sociales adverses et a fait intervenir des couplets antagonistes, comme l'a dit Vladimir Petrovitch, qui avait écrit un article dans Peine de guerre sur le tribunal pénal international et l'ex-Yougoslavie, des couplets antagonistes de chercheurs en sciences sociales qui, l'un témoignait pour l'accusation et l'autre pour la défense. La difficulté qui se posait à ce moment-là, c'était celle des règles du jeu. C'est-à-dire que, premièrement, les chercheurs en sciences sociales ne sont pas habitués à la violence des contre-interrogatoires judiciaires, et certains se sont effondrés, même extrêmement compétents dans leur domaine, se sont un petit peu effondrés à l'audience parce que les avocats de la défense pouvaient dire oui, vous parlez de cela en général ou vous avez travaillé sur tel village, mais mon client était dans un autre village, dans une autre région, pouvez-vous me prouver que ce que vous avancez s'applique à mon client ? Donc là, difficulté de acclimater les règles de la preuve universitaire avec les règles de la preuve judiciaire. L'autre difficulté soulevée par John Alcock, c'est que il y a aussi entre universitaires dans un colloque, par exemple, on peut avoir des thèses opposées, puis on va discuter et essayer de mettre en avant les divergences possibles. Mais les règles du colloque ne sont pas les règles du tribunal. Dans le tribunal, quelqu'un doit avoir raison et l'un autre doit avoir tort. Si bien qu'il faut que l'un des deux gagne. Et John Alcock, à propos de son témoignage au TPY, parlait d'une ordalie, dont il était sorti vainqueur, mais dont il regrettait que le sociologue de la défense et de la partie adverse, qui était un de ses collègues, soit sorti vaincu. On a des chercheurs en sciences sociales qui ont complètement refusé le principe du contradictoire et qui refusent soit de travailler avec la justice, soit de témoigner dans des procès. Certains, parce qu'ils considèrent que les sciences sociales doivent rester hors système judiciaire, d'autres parce qu'ils considèrent, comme Henri Rousseau l'a fait pour le procès Touvier, que les sciences sociales doivent non pas offrir un supplément d'âme et une caution morale, mais vraiment avoir accès au dossier, participer au travail d'enquête. Et donc ensuite, on peut avoir une conception, je dirais, royale des sciences sociales qui sont en position de juge et qui sont les alliés des juges. Et ça, c'est une position qui est assez critiquée assez largement par les sciences sociales, qui considèrent au contraire que les sciences sociales ne doivent pas être en position de juge. dans la colline de Zumbe, il y a des grosses pierres. De loin, vous croirez que ce sont des grosses pierres. Mais lorsque vous les approchez, vous verrez comme si c'était des maisons ou des forteresses. Parce que pour y arriver, il y a une petite route. Vous avez le témoin qui lui-même est inscrit dans un dispositif, je dirais pas théâtralisé, mais du moins construit, dans le sens où il fait dos au public, qui est derrière une vitre, et il fait face au juge, pour pouvoir le regarder dans les yeux. Sans ces grosses pierres, personne n'aurait pu échapper. Lorsque le témoin est protégé, il y a différents types d'accès visuels qui sont déployés. Les juges doivent toujours avoir accès au regard du témoin, mais le témoin peut être protégé du regard des accusés par des rideaux. Donc des rideaux électriques se déploient. Mais comme les accusés ont le droit de savoir qui témoigne contre eux, ça fait partie des droits de la défense, le visage du témoin s'affiche sur leur écran. Les combats ont commencé à 5h du matin jusqu'à 9h du matin. Dès 10h du matin, ils ont encore attaqué jusqu'à 14h. La nuit, ils sont encore venus, ils ont attaqué. Et je me résume encore une fois, ce sont ces grosses pierres qui ont sauvé la population de Bounia. Par ailleurs, quand vous avez des systèmes de huis clos partiels ou de huis clos complets, pour protéger l'identité des témoins, et le public qui est derrière la vitre ne voit pas le visage du témoin, on tire un rideau au moment où il rentre et il sort, de manière à ce qu'on ne puisse pas le voir, et le public a un accès via des écrans et des casques au procès. Mais quand le témoin est protégé, le visage apparaît pixelisé sur les écrans du public, et la voix, dans le casque, apparaît transformée avec une voix de Donald. Vous voyez donc, selon la position que vous avez, si vous êtes du côté du public, du côté des accusés ou du côté des juges, vous n'avez pas le même accès, en fait, à la parole. J'ai été très content de voir les procureurs se rendre personnellement à Zumbe. Il a vu Zumbe, il a visité les alentours de Zumbe, il a vu les grosses pierres, mais il n'a pas compris l'importance de ces grosses pierres. Nous avions l'objectif de lui faire visiter partout, de lui faire voir l'église qui a été détruite, de lui faire voir ma maison qui a été détruite, une maison de 7 chambres. Je lui ai proposé de lui faire visiter tout cela, mais il a refusé. Je crois que je m'arrête par ici. Dès le début de cette affaire, j'ai suggéré à mes deux collègues juges Bruno Cotte de nous rendre sur place pour mieux comprendre ces débats et j'ai senti qu'il y avait des réticences. Donc je n'ai pas insisté. Toujours est-il que dans un procès où les preuves écrites sont extrêmement réduites, car c'est un pays en guerre depuis 20 ans, le poids des témoignages était majeur et tout reposait à 80% sur les témoins. C'est donc à la fin ou à la presque fin des débats, c'est-à-dire après près de 2 années d'audience, que je suis, si je puis dire, revenu à la charge et que j'ai demandé à mes deux collègues, maliennes et belges, si elles n'estimaient pas nécessaire d'aller confronter sur place les dires de tous les témoins que nous avions entendus pendant de longues audiences. Donc ce transport s'est révélé extrêmement important. Nous avons pu nous rendre compte que tel témoin, qui situait une piste d'atterrissage dans telle localité, ce qui avait des conséquences évidentes sur le comportement de l'un des deux accusés, s'était d'évidence trompé. Et cette piste d'atterrissage ressemblait en revanche, trait pour trait, à celle qui se trouvait dans l'autre localité habitée par l'autre accusé. Donc, nous nous sommes rendus compte que d'évidence, certains témoins, qui pour le procureur étaient des témoins qu'il considérait, je prends sa formule, comme des témoins clés, ne pouvaient pas être retenus par la Chambre. faut souligner que les enquêteurs d'élite venant des TPI ont assez vite démissionné de la CPI parce qu'ils étaient empêchés d'enquêter. Isabelle Delplat. Et le procureur, ça a été dit par d'autres, s'est appuyé sur des intermédiaires qui sont parfois douteux, et ce qui a amené à des fiascos judiciaires, puisqu'on a pu prouver à l'audience par le contre-interrogatoire des avocats que ces témoins étaient des faux témoins. Donc le procureur, à un certain moment, Moreno Ocampo, a fait le choix de ne pas enquêter et de s'en remettre aux États pour lui fournir des informations. Imaginez qu'on demande à la police serbe de vous donner des informations sur Milošević. Cette absence d'enquête aurait pu être suppléée par le juge, comme ça a été fait par exemple au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Quand le juge n'était pas satisfait du travail du procureur, il faisait comparaître des témoins ou des témoins experts pour avoir un supplément d'informations. Cette comparution de témoins experts pour l'affaire Katanga n'a pas été faite par le juge Cotte. Et donc, les critiques portent sur un rôle de science sociale qui finalement se substitue au travail d'enquêteur, alors que ces sciences sociales en question ne sont pas spécialistes du terrain. Donc, une des critiques qui peut être faite, c'est celle d'avoir des sciences sociales hors sol, et aussi hors sol que la justice pénale internationale qu'elles sont censées éclairer, puisque ce ne sont pas des spécialistes du terrain. Une deuxième critique qui a été faite dans l'opinion dissidente de la juge flamande Van de Wingaert, et c'est une critique implicite contre le rôle de ces sociologues, c'est d'avoir donné une importance aux aspects ethniques du conflit, qui certes sont importants, mais qui ont amené dans ce cas-là à, dit-elle, une simplification et à une grossière déformation de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que le besoin, à mon avis, reste là. Et en fait, il est un peu inscrit dans la nature même de ces crimes. Julien Serroussi. Puisque ces crimes sont décomposés en deux morceaux. Il y a ce qu'on appelle le crime sous-jacent, qui est un crime ordinaire. J'ai violé, j'ai tué, j'ai pillé. Et il y a les éléments contextuels du crime, qui sont les aspects extraordinaires du crime. Par exemple, pour le crime contre l'humanité, une attaque systématique ou généralisée à l'encontre d'une population civile menée par une organisation étatique ou quasi-étatique. C'est-à-dire que les crimes de masse sont des crimes ordinaires commis dans des circonstances extraordinaires. Mais du coup, pour déterminer le crime, juridiquement déterminer, le qualifier, il faut qualifier le contexte, puisque ça fait partie du crime de démontrer les éléments contextuels. De ce fait-là, le juge doit se faire un peu historien. Et du coup, c'est consubstantiel à la justice pénale internationale que de créer une collaboration entre juristes et historiens. La question des modalités reste encore débattue. Bon, ce serait très présomptueux de considérer que le fossé culturel se comble totalement. Non, ça n'est absolument pas possible. Nous sommes trop éloignés. Mais il est quand même indispensable que les juges mettent tout en œuvre pour essayer de le réduire au maximum. Car on leur demande de juger sans doute avec des connaissances juridiques, c'est indispensable, de juger avec du bon sens, mais aussi de manière aussi peu désincarnée que possible. Ils doivent tenter de s'incarner, tout en gardant leur totale liberté d'appréciation, dans le cadre dans lequel se sont donc déroulés les faits. Dans cette affaire, Germain Katanga et Mathieu Nguggelo, c'est une des affaires dans lesquelles le juge a posé le plus de questions. Et ça, c'est parce que mon recrutement a permis de porter une attention très particulière d'une audience à l'autre sur les questions qu'on allait poser aux témoins, les questions des juges, et donc pas les questions des parties, qui eux sont quand même pris dans la problématique de la victoire ou de la défaite judiciaire, dans la stratégie judiciaire, alors que les juges, lui, normalement, s'intéresse à la manifestation de la vérité, point. Il ne cherche pas à faire condamner ou à acquitter le client, il cherche à connaître ce qui s'est réellement passé. Et donc, ça a été une nouveauté pour la Cour pénale internationale, au sens où ça a donné aux juges les moyens de poser des questions. Davantage de questions qui ne le font dans les procès habituellement, ou dans la tradition common law, ils sont davantage arbitres de la procédure. Et ça se voit, à mon avis, sur le jugement final, bon, qui a des défauts et des qualités, mais parmi ces qualités, je pense qu'il a donné un niveau d'intelligibilité de ce conflit qui est important, à la fois pour les acteurs qui ont participé, aussi pour les juristes qui auront d'autres affaires à juger de ce même type, et qui est un peu inédit par rapport au jugement habituel de la justice internationale, qui contiennent souvent beaucoup plus d'argumentation juridique que d'argumentation factuelle. Et en l'occurrence ici, on a, à mon avis, on a réussi à mieux équilibrer le résultat. Je pense que cette sensibilité à ce que les sciences sociales peuvent apporter est majeure. Si j'étais resté à la Cour, je me serais efforcé de faire en sorte que les juges puissent bénéficier de manière institutionnelle de ce type de connaissances, de ces pas qu'on leur permet de faire pour justement se rapprocher des populations qu'ils vont avoir à juger, de ces pas qui leur permettent de réduire précisément ce fossé culturel. Ce qui m'ennuie, c'est qu'actuellement, c'est un peu laissé à l'initiative personnelle de chaque juge, de chaque président d'audience. C'est ennuyeux. Alors l'indépendance des juges fait qu'on ne peut rien imposer de manière trop catégorique. Mais à mon avis, l'indépendance d'un juge ne se situe absolument pas là. L'indépendance d'un juge, c'est dans l'acte juridictionnel lui-même. Il est en effet conforme au droit international que la minorité exprime son opinion. 1946, tribunal de Nuremberg. Le procureur Jackson et M. Champetier de Ribes ont fait remarquer qu'ils avaient demandé la condamnation de Chartres, de von Papen et de Fritsche, mais qu'ils s'inclinaient devant les décisions du tribunal militaire international de Nuremberg. Le tribunal militaire international de Nuremberg a achevé sa tâche, puisse promptement lui succéder une cour internationale dont les pouvoirs seront suffisants pour régler entre les quatre murs d'une salle d'audience les différends internationaux. Je pense que cette affaire a présenté l'immense intérêt, Bruno Cotte, de favoriser la création de toute une série de sillons jurisprudentiels à partir des décisions très nombreuses que cette Chambre a pu rendre et du jugement qu'elle a rendu à la fin, qui a permis pour la première fois de donner des définitions de ce qu'est pour la Cour pénale internationale le crime de viol tel qu'il est défini par les éléments des crimes, le crime d'attaque contre les populations civiles, etc. Et dans mon esprit, nous avons travaillé en quelque sorte un peu aussi pour les chambres à venir, si elles veulent bien se référer sur le plan jurisprudentiel aux définitions que nous avons données et aux positions que nous avons prises. Moi, on m'a invité ici pour témoigner au sujet de Bogoro. On ne m'a jamais invité ici pour témoigner sur ce qui s'est passé à Bunia ou ailleurs. Mais ici, il y a des gens qui sont des spécialistes du droit et de la Laissez-moi parler, s'il vous plaît. À l'issue du procès, Julien Serroussi et Franck Lebovici décident de s'atteler ensemble à l'exploration des matériaux produits lors de l'affaire Katanga. Convaincu que le traitement sur le mode purement juridique est loin d'en avoir épuisé toutes les possibilités. En sortiront un livre, intitulé Bogoro, qui propose au lecteur une sélection des transcripts et donc des visions autres du procès, et des expositions comme Muzungu, qui permettent aux visiteurs d'agencer ces documents dans l'espace, selon leur propre fil de réflexion. En droit habituellement, l'accent est mis sur le jugement. Or, sur les 350 pages du livre, il y a à peu près une page dédiée au jugement et 349 aux échanges conversationnels pendant les audiences. Et c'est peut-être ça, en fait, l'apport, si vous voulez, de ces techniques qu'on a mobilisées avec Julien, c'est que on propose de ralentir sur des moments qui sont très rapidement oubliés, très rapidement passés sous silence dans ces échanges, et on propose de les mettre en valeur, de les mettre beaucoup plus au premier plan, pour produire d'autres représentations de ces situations. Les juristes ont l'habitude de s'appuyer sur les jugements passés parce que ça va leur être utile. Ils vont utiliser le jugement de tel procès pour réfléchir à un procès en cours ou pour se faire une opinion sur des procès futurs. En travaillant sur les échanges, c'est-à-dire sur les processus des procès, sur des moments qui sont rapidement invisibilisés, eh bien, ça permet de modifier les jeux de force. Et j'ai été très frappé de ce commentaire qu'a émis un des membres de la Cour face à ces installations. Cette personne nous a dit « J'ai travaillé avec ces matériaux pendant des années et je pensais les connaître par cœur, mais installés de cette manière, j'ai l'impression que j'en découvre la moitié. » Merci à Bruno Cotte, Franck Lepovici, Elisabeth Clavery, Julien Seroussi, Isabelle Delplat et Sophie Ménégon. Merci également à Virginie Bobin. Les sons du procès sont issus des enregistrements de la Cour pénale internationale. Archivina, Aurélie Marsay, mixage, Alain Joubert et Pierrick Charles. De La Haye à Bogoro, quand l'art et les sciences sociales travaillent la justice internationale, un documentaire de Marion Dupont, réalisé par Renaud Dalmar. Voilà, vous pouvez bien évidemment réécouter ce documentaire qui concluait notre série sur l'histoire de la justice sur le site de France Culture. Laissez vos commentaires sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. On a compris combien, effectivement, cette question de la place des sciences sociales et de l'histoire, pourquoi pas, ou de la sociologie dans un tribunal pénal international était une question importante et qu'il fallait en débattre. Demain, eh bien, nous débattrons à partir de la présence de deux professeurs au Collège de France, un professeur au Collège de France, à savoir Bénédicte Savoie, qui nous parlera du droit des objets à disposer d'eux-mêmes. C'est un colloque qu'elle organise aujourd'hui au Collège de France. Et nous recevrons également, pour ces quatre leçons qu'elle vient de donner au Collège de France, Zrinka Stajljak, qui vient de donner quatre leçons sur les fixeurs au Moyen-Âge. Vous serez fixés demain en écoutant La Fabrique.